ਹਾਂਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ ਓਏ 1 2 1 2 3 4 prête à charger hein prête à charger yo ironique prête à charger j'ai pas assez parlé les événements je repense à ton enterrement sincèrement j'aurais jamais voulu que tu partes en pleurant mais la vie s'en est chargée je n'applique micro chargé le mal est cerné ironique prête à charger solo dans ma cellule mon regard est poivré scellé dans ma bulle qu'on finisse par monter la selle moi avec où et tout s'effondre autour de moi ça dévergonde Hiro t'es pas placé pour parler tu fais partie du nom militant sur une planète en faveur de la cause des MC manipulant les mots la foule est en crise d'épilepsie appelez l'ambulance délai l'hôpital en taxi mort et conséquence c'est moi qui pratiquerai l'autopsie les médecins comprennent pas docteur ironique non mes vaccins contiennent pas d'hydrocarbonique mets du beat pour tes tympans des lyrics à mort le vent est ventré ventilé H l'eau pour le mouvement un mouvement qui m'a déçu malgré ses bons côtés c'est l'évidence même une faute et c'est la corde au cou sérieusement j'parie ton intégrité c'est l'évidence même t'as préféré le silence à ton crew J'm'arrête quelques temps, j'pense à ceux qui m'ont quitté de la mort à la petite école, toutes mes dettes n'ont acquitté mais comment ne pas cliquer sur un pistolet comment rappliquer sans courir au fait j'crois que j't'ai un peu soupolé mais comment calmer ça pourquoi moi, pourquoi pas toi mon enfance c'est au passé seulement elle interagit mon patois, mon patelin deux beats, un mic et un calvin avant d'enlever mes caleçons j'avance et glou j'en calvin mon gars vas-y pousse, pousse les remords te cherchent pendant que tu sortais ton 12 pouces planifiais les recherches, monte un peu dans ma calèche au menu du rap au couscous viens dans ma crèche, compte tenu qu'on penche ma coule douce effort inestimé pour arriver où l'assemblée est des nuits devant le miroir à pratiquer en se voyant saliver pire, détour, réveil, 1, 2, 3 au studio encore pire des semaines entières à tourner notre vidéo mes idéaux finir mon bac et travailler mais j'ai visé haut toi c'est le chômage, moi l'université si t'avais grandi dans ma peau tu serais peut-être dealer d'héroïne une chose est sûre, tu serais pas dans les souliers d'ironique prête à charger, on est prête à charger tout le temps, prête à charger ironique, prête à charger prête à charger, on est prête à charger tout le temps Gratte à charger Ironique, gratte à charger